Nous saluons chacun de vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Tuko na dhamkia kila mmoja wenu mangaribi leo mjini Yesu Kristo. Avant le service, je voulais dire ceci à l'église. Mbele ya ibada nilipenda kusema hivi kwa kanisa. Je pense chacun de vous a suivi les discours de notre président. Nawazia kila mmoja wenu alifuata hotuba ya rais wetu. Et les mesures qui ont été arrêtées. Na mamipango ile walichukua après la réunion qu'il a tenue avec les ministres de la santé. Kisha ile mkusanyiko walifanya na bale ba ministre ba afya. En rapport avec le COVID-19. Yenye kuangalia mambo inaangalia COVID-19. Il y a des mesures fortes qui ont été arrêtées. Kuko ma mipango ya nguvu ile ambao waliweza kuchugua. À partir de demain, kuanzia kesho, sur tout l'étendue de la République, mu inchi mujima, il y aura un couvre-feu. Kutakuya couvre-feu qui va de 21h, ile itanzia mu 21h jusqu'à 5h du matin. Kufikia paka mu 5h ya asubuhi. Les mesures barrières ont été renforcées. Mipango ya kujikinga nayo nayo bari kazisha. Les mesures qui ont été renforcées, ile ma mipango ambao waliweza kuongeza na kuikaza, ne permettent plus aux gens de se rassembler dans des endroits publics. Airuhusu bantu wapate kukusanyika pafashi, mafashi ya waji. Les cérémonies comme les fêtes de mariage sont annulées. Ma fashi sawa ya ndoa ilitoshwa. Les cérémonies de fête. Ma fête ya ndoa sont annulées. Bari kataza. Mais pour ce qui nous concerne, nous en tant qu'église, c'est ce qui est plus important. Lakini leo tutaangalia sisi kanisa nje yenyewe kwa ya mafaa zaidi. On doit respecter les mesures barrières. Tunapata kuheshimia kujikinga. C'est obligatoire, comme on le faisait dans les jours passés, que chaque frère et chaque sœur amène son masque. Kwa kukazishwa kwa kila ndugu na kila dada apate kuya na maske yake. Avant d'entrer dans l'église, lavez-vous les mains. Mbele ya kuingia mkanisa munawe kwa mikono. Les dispositions que vous remarquerez dans l'église, les dispositions de chaises, il faut les respecter. Namna mtaweza kukuta bichi mkanisa munapasha mubiheshimie. Il y a souvent des frères et des sœurs qui ne comprennent pas. Mara mingi kwa ndugu na badada bali abaelewe. Quand vous entrez dans l'église, tu n'es pas un diacre pour commencer à ranger les chaises. Wakati unaingia mkanisa una shemasi juu wewe uanze kutengeneza viti. Il y a des diacres qui sont là qui s'occupent de la discipline et de l'ordre dans l'église. Kuko ba shemasi benye kuhangaikia utaratibu ndani ya kanisa. Restez sur votre chaise. N'essayez pas de bouger les restes de chaises. Ikala paka pakiti yako hapana kupima kwanza kutengesha biti vingine. Cette fois-ci, nous refusons aux frères aux sœurs de retourner les chaises avant pour s'y agenouiller pour prier. Hii turu tuko nakataza kwa ndugu na badada wapate kugeuza biti juu ya kutwangia magoti baanze kuomba. Agenouillez-vous sur votre chaise. Tuangia magoti pale pakiti yako. Ou tenez-vous sur votre siège. Au shimame pale pakiti yako. Évitez de déranger l'ordre des chaises qui sont placées. Epuka kuharibisha namna ile basha kutengeneza bichi. Depuis la semaine passée, les frères m'ont envoyé des messages pour me dire que il y a le service de l'ANR qui passe en civil pour contrôler les églises. Tangia juma iliyopita banduku waliniandikia ya kusema kuko bantu ya aner wenye kupita juu kuanza kuchunguza makanisa. Afin de surprendre ceux qui ne respectent pas les mesures qui ont été fixées par les autorités. Juu bapate kwenda kubamba bale abeshimie ile mamipango ilibebewa na benye kwa na mamlaka. Mais cette fois-ci avec les mesures qui ont été fixées. Lakini hii turu na hii mamipango ambao waliweza kuchugua. C'est officiel. Iko ya bantu bote. Les discours, les rapports ou les discours vous pouvez le suivre. Ma tuba yote mnaweza kuifuata. Les policiers sont obligés d'une manière officielle d'aller d'église en église pour vérifier si les mesures barrières sont respectées. Ba polisi banaruhusiwa kwenda kila kanisa kuangalia kama watu wanaheshimia mamipango ile ililetwa kwa serikali. Comme cette fois-ci Dieu nous a fait grâce pour laisser nos églises ouvertes. Savile ituru Mungu atufanishia neema juu ya kuacha makanisa yetu wazi. Nous voulons respecter ces mesures pour que notre église ne soit pas fermée parce que nous avons besoin pendant ce temps de nourrir notre âme. Tuko napenda kuheshimia ile mamipango juu kanisa yetu bashifunge juu tukingare na itajiwa manasi yetu ipate kula. Ce que nous voyons ce sont les mesures, ce sont les annonces du retour du Seigneur. Ibi tuko naona ni kutangaziwa kwa kurudia kwa Bwana. Ce sont des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Ni maalama kunaonesha kurudia kwa Bwana. Il faut être spirituel pour comprendre ce qui se passe. Unapasha ukwe wa kiroho juu upate kuelewa bile biko nafanyika. Mais quelques poussières qui nous restent, et wakati kidogo natubakiria, nous voulons en profiter, tunapenda kufaidia hayo, pour nous préparer davantage, juu tupate kujitayarisha kabisa, et être prêt pour le Seigneur. Na kuwa tayari juu ya Bwana. Que celui qui néglige, c'est son problème. Uleko na sula ile namwangalia. Que celui qui s'absente, c'est son affaire. Uleko na lofa ile ni mambo yake. Mais celui qui s'attend à aller avec le Seigneur, lakini mwenye kungoja kwenda na Bwana, se prépare en conséquence. Ule eko na jitayarisha juu ya ile mambo. C'est pourquoi, kwa maana, respecter c'est tous les mesures de barrière dans l'église. Mheshimie zaidi ile mamipango ndani ya kanisa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kumibariki. Levons-nous pour la prière. Mushimame juu ya maombi. Nous te disons grand merci notre Père. Tuko na kupikia aksante mkubwa baba yetu. Parce que ton amour est grand à notre égard. Juu mapendo yako iko mkubwa kwetu. Tu nous gardes en vie pour nous instruire. Ona tuchunga na bujima juu ya kutufundisha. Parce que tu ne veux pas que nous manquions l'accomplissement de ces grandes promesses. Ju aupende tupate kutukupusa hii kutimilika kwa malako mkubwa. Tu nous as dit que nous sommes les bien-aimés. Ulituambia kusema tuko bapendwa bako. Ouvre-nous l'intelligence. Utufungule akili. Rends-nous attentifs à ta parole. Utukabule usikilivu kuneno yako. Pour que nous puissions discerner les signes des temps. Ju tupate yako kutambua alama ya wakati. Et être prêt pour le départ. Na kuwa tayari juu ya kwenda. Mets en urgence nos cœurs. Weka maro yetu ikuwe na haraka. Et aide-nous Seigneur. Na utusaidie Bwana. Nous te recommandons ce culte entre ta main. Tunakutolea hii ibada mu mikono yako. Nous te recommandons le frère et la sœur entre tes mains. Tunakutolea banduku na badada mu mikono yako. Nous te recommandons la parole entre tes mains. Tunakutolea na neno mu mikono yako. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans la voie de la vérité. Roho Mtakatifu ikuwe utuongoze mu njia ya ukweli. Sois avec nous pour ta gloire. Kuwe pamoja nasi juu ya utukufu yako. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Daniel chapitre 9. Daniel sura ya 9. Verset 24. Mustari ya 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma 70 iliwekwa juu ya taifa yako na juu ya mji mtakatifu. Pour faire cesser les transgressions. Juu ya kumaliza kuvunja kwa sheria. et mettre fin au péché, na kumaliza zambi, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, juu ya kumaliza uovu na kuleta uwaki wa milele, pour sceller la vision et les prophètes, juu ya kuweka muhuri ono na unabii, et pour oindre le saint des saints, na juu ya kupakala mutakatifu wa watakatifu. Sache-le donc et comprends. Jua ile basi na upate kuelewa. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, tangia mwakati mule neno ililetewa ya kusema Yerusalemu itajengwa tena, jusqu'au Messie au conducteur, kufikia pa kwa Masia ule mwongozi, il y a 7 semaines et 62 semaines, kuko majuma saba na majuma makumi sita na mbili, les places et les fossés seront rétablis, mafuashi na manjimu itatengenezwa tena, itayungululwa, mais en des temps fâcheux, lakini mwakati mubaya. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Kisha ile majuma makumi sita na mbili, Masia atatoshwa na akutakuwa ule atamkombola. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Taifa ya mfalme mwa ile itakuya itapomona muji na ekalu. Sa fin arrivera comme par une inondation. Mwisho yake itafika sa vile kuinondation. C'est-à-dire une invasion. Kuingiriria. Jua kuingiriria. Kuingiriria kwa jesha. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Imepangwa kusema uharibifu itafikia paka kumwisho ya vita. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusomea neno yake. Nous avons commencé à parler depuis hier des instructions que l'ange Gabriel donne à Daniel. Tangia jana tulianza kusemea juu ya mafundisho ile malaika Gabriel kwa mkaburia Daniel. Nous avons montré que les 70 semaines qui ont été fixées, tulionesha kusema majuma makumi saba ile iliwekwa, ont été fixées sur Israël et sur Jérusalem, la ville sainte. Iliwekwa tu juu ya Israël na juu ya Jérusalem muji takatifu. Pour atteindre 6 buts, juu ya kufika kubifukuzio sita, afin de rendre le salut d'Israël complet, juu ya kufanya wokovu ya Israël pate kueneana. 70 semaines est le temps nécessaire que Dieu a fixé pour traiter le salut d'Israël. Ni wakati ile Mungu alichukua juu ya kufanya wokovu ya Israël. Et ce salut d'Israël, na hiyo wokovu ya Israël, est résumé dans les 6 buts qui doivent être atteints. Ni yenye kuwekwa mubifukuzio sita bile mapasha kufikia hako. Comme nous venons de le lire dans le verset 24 de Daniel 9. Vile tunatokea mkusoma msura ya 24 ya Daniel Kenda. Nous avons montré hier, tulionesha jana, que ce temps pour le salut d'Israël est divisé en 3 parties. Kusema hii wakati juu ya wokovu ya Israël ni yenye kukabuliwa mvipande tatu. Il y a la première partie de 7 semaines, kuko kipande kya kwanza kya majuma saba, la deuxième partie de 62 semaines, kipande kya pili majuma makumi sita na mbili, et la troisième partie d'une semaine, na kipande kya tatu kya juma moya. Nous vous avons montré hier, tulimionesha jana, que les 70 semaines de Daniel, majuma makumi saba ya Daniel, ne concerne en rien les nations. Ayangalie mukintu batu wa mataifa. Dans les 70 semaines de Daniel, il n'y a pas les plans du salut pour les nations. Mumajuma makumi saba ya Daniel amuna mapwi ya wokovu juu ya batu wa mataifa. C'est uniquement ni mpaka tu pour le peuple d'Israël. Ni mpaka tu juu ya taifa ya Israël. Cependant que Daniel était en prière, ni mwakati Daniel alikuwa mu maombi, à la recherche de la volonté de Dieu, mukutafutisha mapenzi ya Mungu, et comprendre les visions qu'il avait vues, na kuelewa ono ile alionaka, que l'ange Gabriel vint pour lui donner les instructions. Njo mule malaika Gabriel alikuja juu ya kumfundisha. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ni wanapenda kufungula mukato kiloko. Avant d'évoluer pour parler de l'église des nations. Mbele ami kuendelea juu ya kusemea ya kanisa ya mataifa. Lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse. Wakati tunabeba kitabu kia Ufunuo. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura yake ya kwanza. Apocalypse chapitre 2. Ufunuo sura ya pili. Et Apocalypse chapitre 3. Na Ufunuo sura yake ya tatu. Ces trois chapitres de l'Apocalypse. Ima sura tatu ya Ufunuo. Parle de cet âge de l'église des nations. Iko nasemea juu ya bizazi saba ya makanisa mataifa. Cependant, le cet âge de l'église des nations que Dieu sauve le païen. Ni mwakati ya bizazi saba ya mataifa mule Mungu kunaokola wapagano. Dieu ne traite pas avec les nations en ce qui concerne leur salut en dehors de ces sept âges de l'église. Mungu ashitumike na batu wa mataifa kumambo ile kunaangalia wokovu nje ya ibizazi saba vya makanisa qui sont consignés dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Bizazi vile benye kuandikiwa mu Ufunuo sura ya kwanza, sura ya pili na sura ya tatu. Le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, sura ya kwanza, ya pili na ya tatu, parle de ce qui se passe sur la terre. Iko nasemea ya bila biko nafanyika pa dunia. Entre l'église des nations, katikati ya kanisa ya mataifa, et le Seigneur Jésus-Christ. Na Bwana Yesu Kristo. Pour son salut. Juu ya wokovu yayo. Lorsque nous prenons le chapitre 4 de l'Apocalypse, wakati tunabeba sura ya 4 ya Ufunuo, là, l'église ou l'épouse est enlevée. Mule kanisa au bibi warusi ananyakuliwa. Le chapitre 4 de l'Apocalypse. Sura ya ine ya Ufunuo. Nous montre l'enlèvement de l'épouse des nations. Iko natonesha kunyakuliwa kwa kanisa ya mataifa. Qui a été sauvée pendant le état de l'église des nations. Ile ambayo iliokolewa mubizazi saba ya makanisa. Du chapitre 5 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse. Sura ya 5 kufikia paka sura ya 19 ya Ufunuo. Ce chapitre traite des Juifs. Hii sura iko nasemea juu ya Bayuda. On y trouve aussi le jugement de la grande Babylone, munapatikana tena de la prostituée, hukumu ya Babylone mkubwa au ule Kaaba. On y parle aussi de la guerre d'Armageddon, munasemewa tena vita ya Armageddon. On y parle aussi du millennium, munasemewa tena miaka 1000. Et on y parle aussi du jugement dernier, na munasemewa tena hukumu ya mwisho. Vous voyez, munaona, le chapitre 1, 2, 3 de l'Apocalypse parle de cet état de l'église. Sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya Ufunuo inasema juu ya bizazi saba ya kanisa. Au chapitre 4, l'église est enlevée. Kanisa inanyakuliwa. Le chapitre 5, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 19. Sura ya 5 mpaka ya 19. Cela concerne les Juifs. Ile inangaria Bayuda. Après l'enlèvement de l'épouse, kisha kunyakuliwa kwa bibi wa harusi, Du côté des nations, kubati ya mataifa, c'est la tribulation. Ni mateso mkubwa. Et là, il n'y a que la boucherie ou les tueries. Na kule kutakuwa paka kuuawa. C'est tout. Kunaisha. Dieu ne parle plus du problème du salut. Mungu asiseme tena mambo ya wokovu. Parce que le temps des nations est derrière, jua, derrière nous. Jua wakati ya mataifa mwili wakati itakuwa kumkongo. Quand l'époux, je reprends, narudilia, après l'enlèvement de l'épouse, kisha ou quand l'église est enlevée, kisha kanisa kwenda mkunyakuliwa, du côté des nations, kungambo ya mataifa, il n'y a que la grande tribulation, kutakuwa tumateso mkubwa, et les tueries, na kuwawa, la mort, l'oufo, c'est tout. Kunaishi. On ne voit que des fléaux, tukonaona paka mapigo, des malheurs, maole, il y a les sauterelles, koko manzige, qui vont dévorer les gens. Il est temps à kula kulumiza bantu. Il y a le menace du dragon rouge. Utakuwa kusongwa kwa ule joka mwekunda. Il n'y a plus de grâce du côté des nations. Hakutakuwa tena nema kungambo ya bato ya mataifa. C'est pourquoi kwa aucun homme, hakuna ta mtu moya, aucune femme, au mwanamke moya, ne peut espérer être sauvé après l'enlèvement de l'épouse. Ule ambao atatumainia kuokolewa kisha kunyakuliwa kwa bibi harusi. Celui qui veut être sauvé, ule anapenda kuokolewa, c'est maintenant. Ni hapa sasa. Celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, ule anapenda kupokea Roho Mtakatifu, c'est maintenant. Ni hapa sasa. Celui qui veut être pardonné, ule anapenda bamsamehe, c'est maintenant. Ni hapa sasa. Celui qui veut être sanctifié, ule anapenda utakaswa, c'est maintenant. Ni hapa sasa. Quand l'époux des nations est enlevé, wakati bibi harusi wa mataifa ananyakuliwa, Dieu ne peut plus traiter avec les nations. Mungu asiwezi tena kutumika na bantu wa mataifa. La porte est fermée. Mulango itafungwa. Là, c'est la colère seulement de Dieu qui se déverse sur les nations. Pale sasa ni kasirani sasa ya Mungu itaangukia kwa bantu wa mataifa. Il n'y a que des fléaux sur la terre du côté des nations. Utakuwa paka mapigo pa ulimwengu kungambo ya bato pa mataifa. C'est pourquoi il faut être prudent. Ndio kwa maana mpasha kwa berevu. Pour marcher selon le plan de Dieu. Dieu a kutembea kufatana na mapwi ya Mungu. Nous voulons être éclairés sur les 70 semaines de Daniel. Tuko napenda kuangaziwa hapa majuma 70 ya Daniel. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que nous avons déjà dit hier, Dieu tulisema tangia jana, que les 70 semaines de Daniel ne nous concernent pas. Majuma 70 ya Daniel haituangalii. On devait seulement tourner la page. Tulipasha kufunga vitabu. Et oublier cela. Na kusahau ile mambo. Mais pourquoi nous tenons à parler sur ces 70 semaines de Daniel? Sasa ni juu ya nini tuko nasimamia juu ya kusemea pa hii majuma 70 ya Daniel? La raison pour laquelle nous voulons en parler pour éclairer l'église, kenye kile tuko nasemea juu ya kuangazia kanisa, c'est parce que le 70 semaines de Daniel, ni juu ile majuma 70 ya Daniel, est un calendrier qui est clair, ni calendrier leko naangazia, et qui s'applique à l'âge de la Odyssée, na yenye kujitumiwa mukizazi kia Laodikia, afin que l'épouse de Jésus-Christ, kusudi bibi wa harusi wa Yesu Kristo, qui vit dans l'âge de la Odyssée, mwenye kuishi mukizazi kia Laodikia, sache à quel temps elle vit, apate kujua ni mwakati kani mule konaishi, qu'elle sache à quelle heure il est, apate kujua ni mwakati kani mule eko, et qu'elle sache comment se préparer en conséquence. Na apate kujua namna ya kujitayarisha juu ya ile mambo. Si nous tenons à parler sur les 70 semaines de Daniel, kama tunashimamia kusemea majuma 70 ya Daniel, c'est parce que Israël et son plan du salut pour nous est tout un calendrier. Jo Israël na mapu yake ya wokovu kwetu shie ni calendrier. Qui nous permet maintenant de nous fixer sur la parole prophétique. Ileko na tukaburia faida si kujiweka maneno ya unabii. Nous, l'épouse qui vit dans les derniers âges de l'église des nations. Shie bibi wa harusi benye kuishi mkizazi kia mwisho kia batu wa mataifa. Afin de nous aider après avoir connu quelle est ville. Na kisha shiku yua wakati ile tuko naishi. Que nous nous préparons en conséquence. Dieu tu pate kujitayarisha pa ile mambo. Foi Branham disait. Ndugu Branham alianza kusema. Si vous voulez savoir à quelle heure nous sommes. Kama unapenda kujua ni wakati gani mwile tuiko. Vous devez regarder à votre montre. Utangalia kusaa yako. Regardez votre horloge. Utangalia kusaa yako. Vous saurez à quelle heure nous sommes. Utajua mwakati mwile ambao tuiko. Si vous voulez connaître. Kama unapenda kujua. Quelle est la date de l'année ou le jour de l'année? Siku ya mwezi ni siku gani kama unapenda kujua? Il faut regarder à votre calendrier. Napasha kuangalia kwa calendrier yako ya mnyumba. C'est votre calendrier qui vous montre. Ile calendrier yako ya mnyumba itakuonyesha. Que nous sommes tel jour. Tuko siku fulani. De la semaine. Ya juma. Et de telle semaine. Ya juma fulani. Et tel jour de tel mois. Na mushiku kani ya mwezi. Dans une année. Mwaka. Et pour connaître quel temps nous sommes. Na kwa kujua wakati ile ambao tuiko. Israël est le calendrier, Joe calendrier que Dieu a donné à l'église des nations. Ile Mungu alikabulia kanisa mataifa. Pour que l'église des nations. Juu kanisa mataifa. Itire les conséquences. Mapate kupatia mu matokeo. Pour sa préparation. Juu ya matayarisho yake. En vue de l'enlèvement. Juu ya kwenda mkunyakuliwa. La position d'Israël. Alia Israël montre ou signifie à l'épouse de Christ des nations ikona imanisha kuonesha ku bibi harusi wa mataifa que Jésus-Christ est à la porte. Kusema Yesu Kristu eko pa mlango. C'est dans cet état de l'audition. Ni mwikizazi kia laudikia. Le dernier âge du côté des nations. Kizazi kia mwisho kungambo ya mataifa. Que tous les mystères qui ont été cachés dans les pages de la Bible doivent être révélés avant le départ de l'épouse dans la gloire. Ni mule masiri yote ile Mungu aliweka mbizazi wa makanisa binapasha kufunuliwa mbele ya bibi harusi kwenda mkunyakuliwa. Devant nous il n'y a pas un autre âge. Kumbele yetu hakuna tena kizazi kingine. Non bien aimé frère et sœur. Hapana ndugu na dada mpendwa. Après nous, il n'y aura plus d'âge. Quand l'enlèvement s'est fait, quand l'épouse est enlevée, c'est fini. Kunaisha. Le Saint-Esprit sera ôté dans le monde. Padunia. Dieu n'aura plus à traiter avec les nations un point. Entre. Mungu ashatumika tena na watu wa mataifa kunaisha. Dieu se tourne maintenant vers Israël, les enfants d'Abraham dans la chair. Mungu anageukia sasa Israël kwa peu de temps. Mwakati kiloko. Et après le scellement de 144,000 du côté des Juifs, na kisha kuwekwa muhuri kwa bale 144,000 bangambo ya Bayuda. Dieu aussi clôture avec eux. Mungu anamaliza tena nabo. C'est fini sur la terre. Kuna malizika pa ulimwengu. Et la terre et sera maintenant dans la position d'être détruite. Na ulimwengu itakuwa mwali sasa ya kupomonewa kwa lote. Vous voyez bien mes frères. Munaona bapendwa nduku. Vous devez tirer très attention aux choses que nous dirons. Munapasha kusopoka sana mobile tu kuna sema. Nous avons des repères qui nous fixent que nous sommes à la fin. Et que le retour du Seigneur est imminent. Na kurudia kwa Bwana kuko kwa haraka. Nous avons des repères. Tuko na kwa kuangalilia. Nous l'épouse. Chie bibi wa harusi. Nous avons des repères. Tuko na kwa chie kuangalilia. Qui nous fixe clairement. Kule kuna tonesha waji. Que le temps de l'ancien est arrivé à la fin. Nous sommes à la fin de toutes choses. Le retour de Christ est imminent. C'est vrai. Dans notre génération ici, il y a des événements très importants qui se sont accomplis comme des repères que nous sommes à la fin. Et Jésus-Christ est à la porte. Beaucoup de gens ne le savent pas. Tous ces gens qui chantent des tam-tam dans les dénominations ne le savent pas. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de nous éclairer pour savoir exactement à quel temps nous sommes. Et lorsque nous savons à quel temps nous sommes, nos âmes s'enflamment pour le retour du Seigneur. Et nous nous préparons en conséquence. Le 7 mai 1946. Le retour d'Israël en Palestine avait déjà débuté. Kurudia kwa Israël kwa Palestine kulikuwa kusha kuanza. Tout le monde comprenait seulement que c'était la politique mondiale qui avait changé. Bantu bote walionaka kusema ni siasa tu ya ulimwengu ilibadilika. Lorsqu'ils ont commencé à voir Israël, les Juifs retournaient dans leur pays. Wakati walianza kuona Bayuda, bananza kurudia mwinchi yabo. Tous les politiciens ne comprenaient pas. Bafanya siasa bote bakuanza kuelewa kintu. Parce qu'il y a des moments jukuko mawakati où Dieu utilise la politique mondial pour accomplir les prophéties bibliques. Kuko mawakati le Mungu anatumikishaka siasa ya ulimwengu juu ya kutimiza maunabii ya kibiblia. Même les changements de dirigeants à la tête des grandes nations n'est pas pour rien. Hata kubadilika kwa babiongozi mubichwa vya mataifa ile minene haifanyiki kwa bure. Dieu peut placer un dirigeant dans un pays très influent. Mungu anaweza kuweka muongozi moya muinchi moya yenye kuwa na kaguma. À la tête d'une nation puissante. Mukichwa kia taifa moya yenye kuwa na uwezo. Qui a une décision sur le monde. Mwenye kuwa na mamlaka fulani. Et qui est écouté par beaucoup de nations. Na mwenye bantu bote biko na mshikia ba mingi. Pour accomplir. Juu ya kutimiza. Sa parole. Neno yake. Faut jamais l'oublier. Apana kamwe kusahabu. Alors que le 7 mai. Mwakati ya le 7 mai. 1946. La charte panaméricaine. La charte panaméricaine. Était signée. Et baripika kistari. Israël a été déclaré une nation. Israël iliyurikana sasa kuya taifa. Pour la première fois, kwa mara yake ya kwanza, après près de 2500 ans. Kisha miaka kadiri 2500. Il y a un temps, kuko wakati moya, quand Israël fut dispersé dans les nations, wakati Israël a rezambalaka mataifa, selon la parole de Dieu, patana na neno ya Mungu, Israël n'existait plus. Israël ashikukuyaka ako tena. Pendant plus de 2000 ans, kadiri ya miaka 2000 ans, sur cette terre, apa pa dunia, il n'existait pas akukukuyaka une nation qu'on appelait Israël. Taifa moja ile baranza kuita Israel. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu Mungu l'avait dispersé alibazambalisha parmi toutes les nations de la terre. Katikati mataifa yote ya ulimwengu. Et même son territoire hata jimbo yake était envahi par les ennemis. Ilikwesha kuchukuliwa na baadui. Mais le 7 mai 46, lakini le 7 mai 46, Israël a été déclaré comme une nation. Israël a rijulikana sasa kuwa sa taifa kwa mara ya kwanza. Après que Israël soit déclaré comme nation, kisha Israël kujulikana kuwa sawa taifa. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Je vous parle des choses qui se sont passées dans notre âge. Frère Branham, notre messager de là de la Odyssée était déjà né et il avait déjà commencé son ministère. Quand on déclare qu'Israël est devenu une nation, wakati ba Israël a rijulikana kuwa taifa, l'ange du Seigneur malaika wa Bwana rencontre Frère Branham pour lui dire, alakutana na ndugu Branham juu ya kumwambia, je t'envoie, mimi nakutuma, avec l'évangile na injili, dans le monde, mu ulimwengu. Lorsqu'Israël fut déclaré une nation indépendante, wakati Israël alijulikana kuwa taifa yenye kuwa na mamlaka yao yenyewe, avec son drapeau, na drapeau yake, avec sa monnaie, na fedha yake, avec son hymne, na mwimbo yake ya national, ya inchi, pour prouver juu kuonesha que c'était un état indépendant d'Israël. Sema ilikuwa ni inchi yenye kuwa na utawalo yao ya Israel. Maintenant Israël pouvait siéger à côté d'autres nations comme une nation libre. Na mwile wakati Israel alipasha sasa kuikala kungambo ya mataifa ingine sasa inchi. L'ange Seigneur malaika wa Bwana rencontre Frère Branham pour lui dire, kutana ndugu Branham juu ya kumwambia, le temps est là, wakati iko pale, va maintenant dans le monde entier, wende sasa mulimwengu mzima, prêcher l'évangile, hubiri habari njema. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu a rencontré Frère Branham. Mungu alikutana Frère Branham. C'est pour appeler. Dieu a kuita. Les derniers élus. Bateule ba mwisho. Pour le compte du royaume de Christ. Juu ya faida ya ufalme wa Mungu. C'est pour apporter. Ni Dieu a kuleta. La dernière portion de la grâce pour les nations. Kipande kile kia mwisho kia nema juu ya watu wa mataifa. Et Frère Branham, na ndugu Branham, a sillonné cette fois. Alizunguluka mala saba. Le monde entier. Ulimwengu mzima. Il a visité. Alitembelea. Tous les continents. Ma inchi yote. Pour proclamer l'évangile. Dieu a kutangaza injili. Parce que le temps, Dieu wakati, était à la fin. Ilikuwa ishakufika kumwisho. Le temps, wakati, est à la fin. Iko kumwisho. Quand l'ange va rencontrer Frère Branham, c'est pour lui dire, wakati malaika na Branham, que le retour du Seigneur est à la porte. Va avec l'évangile, chercher les élus du dernier âge. Bakizazi kia mwisho. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est un signe indicateur ni alama yenye kuonesha pour nous qui attendions kwa shebe yenye kuchunga le retour du Seigneur, kurudia kwa Bwana. Un autre signe, alama ingine, c'est l'accomplissement de Malachi 4, ni kutimilika kwa Malachi sura ya 4. L'accomplissement de Malachi 4, kutimilika kwa Malachi nous démontre que nous sommes au temps de la fin. Na yuko natuonesha kusema tu kwa wakati ya mwisho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le message biblique du temps de la fin est proclamé. Mujumbe ya mubiblia. Pour retourner le cœur. Inatangaziwa juu ya kurudisha maro. Pour retourner la foi. Juu ya kurudisha imani. Des enfants au père. Ya batoto kubababa. Pour nous retourner à la foi de la Pentecôte. Juu ya kuturudisha kuimani ya bamitume. L'épouse de la Odyssée. Bibi wa harusi wa Laodikia. Doit avoir la même foi que l'épouse d'Éphèse. De la d'Éphèse. Anapasha kuwa na imani moya moya sawa bibi wa harusi wa kukanisa Efeso. Le même Saint-Esprit, Rome mtakatifu moya, les mêmes enseignements, mafundisho moya, la même foi, imani moya, la même vision, kuona kumoya, les mêmes promesses, malako moya, parce que les deux, juu aba bawili, les élus de ces deux âges, bateule baibi zazi biwili, iront dans le même enlèvement, bataenda mkunyakuliwa kumoya. L'accomplissement Kutimilika de Malachi 4 kwa Malachi sura ya ine nous démontre que nous sommes au temps de la fin, kuko natuonesha kusetu kwa wakati ya mwisho, que Jésus-Christ est à la porte. Kusema Yesu Kristo yuko pa mlango. Avec l'accomplissement de Malachi 4 Mkutimilika kwa Malachi sura ine, le dernier message biblique mujumbe ya mwisho ya mubiblia est proclamé parmi les nations, inatangaziwa katikati ya mataifa, pour retourner juu ya kurudisha le cœur des enfants, maro ya batoto, la foi des enfants, imani ya batoto, à la foi des pères apostoliques, ku imani ya bababa ba mitume. Très important, iko ya mafaa sana, c'est un signe, ni alama qui nous montre nous, ili kutuonyesha shie qui attendions le retour du Seigneur. Benye kuchunga kurudia kwa Bwana. Jésus-Christ est à la porte. Sema Yesu Kristo yupo mlango. Troisièmement. Na ya tatu alama. Il y a eu un temps où Frère Branham exerçait le discernement. Kulikuwa wakati mule ndugu Branham alikuwa anatumia kutambua kwa maro. Il faisait des miracles. Alikuwa anafanya miujiza. L'onction du Saint-Esprit était sur lui. Upako ya Roho Mtakatifu ilikuwa yulu yake. Il y a eu des juifs qui venaient l'écouter. Pourquoi Bayuda va devoir kuya kumshikia? Et lui dans son cœur. Na yeye mule muro yake. Après avoir rencontré l'ange du Seigneur. Kisha yuko kutana na malaika wa Bwana. Il pensait. Alianza kuwazia. Il avait un très grand rôle à jouer. Kusema alikuwa na kazi moja mzuri ya kufanya. Avec le retour. Yenye kuangana na kurudia. D'Israël dans la patrie. Yenye kuangalia kurudia kwa Israël ku nchi yake. Il croyait cela. Yale anzaka kuajia ile. Et il y avait les gens qui l'encourageaient. Na kulikuwa bale bantu walikuwa wanamkangamisha. Et dit Frère Branham, si tu peux aller en Palestine. Beko namaanisha ndugu Branham kama unaweza kwenda ku Palestine. Israël sera converti. Israël na yeye atageuka. Israël ne sera jamais converti. Israël aweze kamwe kugeuka. Avec un prophète de nation. Kupitia nabii moya wa bato wa mataifa. Les Juifs ne croient pas au prophète de nation. Bayuda baamini yake kuba nabii babato wa mataifa. Les Juifs croient à leurs frères. Bayuda banaamini yake paka banduku yabo. Parce qu'ils savent et ils croient. Juba na yua na banaamini. Ils sont les seuls détenteurs de la vérité divine. Kusema ni paka bo njoba na ikalaka na ukweli ya Biblia. Ils ne peuvent pas accepter. Abaweze kamwe kuitikia. Qu'un incirconcis. Mutu akosa kutahiriwa. Viens leur parler de leur Dieu. Ça, ils ne les supportent pas même aujourd'hui. Mais quand nous allons en Israël, ils profitent du nom de Jésus pour seulement avoir l'argent parce qu'ils sont des cupides. Ils ont aménagé des sites touristiques. pour croire que Jésus est leur Messie. Pourquoi ils ne le croient pas? Nous allons les démontrer dans la Bible. Et ils attendent encore le Messie. Vous voyez? Non. Et avec l'appel de Frère Branham, na mwito ya ndugu Branham, il pensait que les Juifs ou Israël l'accepteraient. Alianza kuwazia kusema Bayuda au Israeli bataweza kumpokelea. Frère Branham a pris son avion. Ndugu Branham alibeba avion yake. Des États-Unis, il voulait maintenant aller en Israël, en Palestine. Kutokea ku Amerika, alipenda sasa kwenda kule ku Palestine, ku Israël. Il était en route vers la Palestine. Alikuwa munjia sasa mkuenda ku Palestine. Arrivé au Caire. En Égypte. Kufikia ku Caire kule ku Misri. La capitale égyptienne. Ile ni muji mkubwa ya Misri. Lorsque l'avion s'est posé au Caire, wakati avion ilishuka kule ku Misri, capitale yake. Parce qu'il y a des avions qui font l'escale au Caire avant d'aller en Israël. Pour aller en Israël, nous avons deux possibilités. Soit vous volez à partir de l'Éthiopie directement vers Israël. Ou les avions vont d'abord en Égypte au Caire pour voler vers Israël. Ao mavio inaenda kwanza ku Misri kule ku Caire juu ya kwenda. Et l'avion que Frère Branham avait payé. Na ile avion ndugu Branham alibebaka. Ile avion alibebaka. Devait transiter au Caire. Ilipasa kwanza ishukie kule ku Misri. Il avait son billet entre sa main. Alikuwa na billet yake mkono. Pendant qu'il voulait embarquer pour Israël. Le Saint-Esprit est venu à lui pour lui dire, ce n'est pas encore l'heure. Reste éloigné de la Palestine. Ubakie mwenye kuya mbali na Palestine. Le Saint-Esprit dit à Frère Branham, Rome takatifu anamwambia ndugu Branham, Israël n'est pas encore prêt à recevoir l'évangile de Christ. Israël a chia kuya balo tayari juu apate kupokea injili ya Kristo. Son temps n'est pas encore là. Yo balo kufika. Reste en dehors de la Palestine. Wende mbali na va Palestine. Prêcher l'évangile partout dans le monde. Kaubire injili fasi yote ulimwengu. Ne le faites pas. Lakini usifanye. En Palestine. Kule ku Palestine. Parce que son heure n'est pas encore là, n'est pas encore venue. Et Frère Branham a dû changer d'itinéraire. Il prit son billet qui devait l'amener en Palestine. Il le changea pour aller à Rome. Akaibadilisha juu ya kwenda ku Roma. Au Portugal. Ku Portugal. Et retourner aux États-Unis. Na kurudia ku America. Et c'est ce qu'il avait fait. Na ndio kile alifanyaka. Dieu a fait cela avec Frère Branham. Mungu alifanya ile na ndugu Branham. Parce qu'il est un messager. Ju ni mujumbe. Des gentils. Wabatu ba mataifa. Un messager mujumbe de l'âge de l'Odyssée, wa kizazi kya Laodikia, le dernier de tous les âges des gentils, kizazi kya mwisho kya bizazi biote vya mataifa, pour appeler Dieu a kuita la dernière partie kipande kya mwisho de l'époux des nations ya bibi wa Rusia mataifa qui se trouve parmi les nations, ile iko napatikana katikati ya mataifa. Vous voyez, munaona. Vous devez comprendre ça, ce sont des signes. Munapasha nayo kuelewa ni alama. Et si vous observez aujourd'hui, na kama munaangalisha leo, Les signes du temps de la fin sont visibles. Ma alama ya wakati ya mwisho iko wazi. Depuis 1900. Tangia mu 1900. Dieu commença à déverser son esprit sur la terre. Mungu alianza kutuma roho yake pa dunia. Le grand réveil. Wamsho mkubwa. Pentecôtiste. Ya kipente. Qui avait commencé depuis 1900. Ile ilianza tangia mu 1900. Est en train de se terminer maintenant. Iko naenda mukumalizika hapa sasa. Le grand dernier mouvement du Saint-Esprit chez les nations. Amsho mkubwa ya Roho Mtakatifu kwa mataifa. Le dernier mouvement. Amsho. Le dernier grand mouvement. Amsho mkubwa. Du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. Chez les nations. Kwa mataifa. C'est ce que nous appelons le mouvement de la Pentecôte qui a commencé depuis 1900. Jo ile tuko naita uamsho wa Pentecoste ilianza tangia 1900. Dieu pour annoncer. Mungu juu kutangaza. À l'humanité. Kulimwengu. Aux nations. Kubatu mataifa. Aux gentils. Kubatu mataifa. Aux païens. Bapagano. Que le retour de Christ. Kurudia kwa Kristu. Était imminent. Kuna karibia. Il a commencé par déverser. Alianzia kwa kwanza kutuma. Son esprit sur toute la terre. Roho yake pa ulimwengu mzima. Pour appeler les derniers élus. Dieu a kuita ba teule ba mwisho. Mais aujourd'hui, quand nous vous parlons, sasa leo wakati tuko na misungumuzia, ce mouvement-là, ile wamsho, du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu, est en train, iko naenda, de se terminer. Mukumalizika. Le dernier message, mujumbe wa mwisho, a déjà été proclamé, inesha kutangaziwa, à l'église de la Odyssée. Kukanisa ya Laodikia, ile ni ya mafa. Si tu ne comprends pas ce message, kama wewe uelewe hii mujumbe, si tu ne peux pas être sauvé, kama auweze kuokolewa nayo, tu ne peux pas être changé, na auweze kubadilika na hii mujumbe, je ne sais pas ce qui te changera, sijue kile kitaweza kubadilishaka. Dans le plan de Dieu, mumapu ya Mungu, dans l'économie de Dieu, mwazina ya Mungu, ce message de mujumbe ya Malaki Ibrahimu itangaziwa na ndugu Branham. Et le dernier, il n'y a plus d'autre message. Ndio ya mwisho hakuna tena mujumbe ingine. Bile yote mwona yua leo. Quelqu'un qui est élevé, il est prophète. Ula alamuka sema ni nabii. Ce sont des faux prophètes. Ni banabii babongo. Des embrouillés. Bakuvuruka. Des fils du diable. Batoto ya shetani. Tous ceux qu'on appelle aujourd'hui comme prophètes bote ne sont pas vrais prophètes. Abana banabii bakweri. Ce sont des faux. Ni babia bongo. Dans l'économie de Dieu, mwazina ya Mungu, il ne restait qu'un seul message pour l'âge de la Odyssée afin de préparer les derniers épouses à l'enlèvement. Juhi et ce message-là a été donné à William Marion Branham. Kwa William Marion et Branham. Ce message-là a déjà été proclamé. Na ile mujumbe isha kutangaziwa. Aujourd'hui, Léo, toute chose est prête. Biote biko tayari. En attente du retour de Christ. Mukungojea kurudia kwa Kristo. Aujourd'hui, toute chose est prête. Léo, biote biko tayari. Déjà en 1963. Kuanzia 1963. Après l'ouverture de cette chose. Kisha kufunuliwa kwa miuri saba. Wewe bwana me disait. Ndio bwana anza kusema. Il n'y a plus rien. Hakuna tena kintu. Qui retient Jésus-Christ. Kile kiko na mchunga Yesu Kristo. Jésus-Christ peut venir. Yesu anaweza kuya. À n'importe quand. Mwakati yote yote. Les sceaux qui étaient scellés. Miuri ile ilikuwa ishakuwekwa. Ont été brisés. Ilifunuliwa. Et le mystère qui était caché. Na masiri kwa yenye kufichikwa. Ont été révélés à l'épouse. Ilifunuliwa kwa bibi harusi. Il n'y a plus rien. Hakuna tena kintu qui retient. Kile iko na mchunga. Le retour du Seigneur. Kurudia kwa Yesu Kristo. So bana majute dit. Ndo bana anaendelea sema. Si le Seigneur tarde. Kama Bwana anakawia. Il attend que le dernier élu. Yako na chunga ule mteule wa mwisho. Aingie kumwili. Wakati mteule wa mwisho. Atawekewa muhuri ya Roho Mtakatifu. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Aura lieu. Utafanika. Et nous ne savons pas Nashi atuyue, où se trouve kule kuna patikana, le dernier élu. Mteule wa mwisho. Regardez comment la terre est menacée. Angalia namna kani ulimwengu kwenye kusongwa. Quand vous observez aujourd'hui, kama naangalia leo, la terre est menacée par des guerres. Ulimwengu nyenye kusongwa na manvita. Il y a des tensions. Kuko ma tension. Parmi les grandes nations. Kuma inchi mwenene. Ces tensions-là. Ile ma tension. Ne se font pour rien. Ne se font pas pour rien. Haifanyike kwa bule. Ce sont les anges destructeurs. Nikizaza. Qui veulent détruire la terre. Leo napenda kupomona dunia. Mais Dieu les retient encore. Il dit, lakini Mungu angana bashimamisha na bambia mchungi. Je n'ai pas encore fini. Attendez. Mchunge mimi balo kumaliza mchunge. Il y a le dernier élu qui doit entrer. Koko mteule wa mwisho na yampasha kuingia. Il y a aussi les 144,000 qui doivent être scellés du côté des Juifs. Koko tena 144 yanapasha kuwekewa muhuri mwe mchunge mbele. Aujourd'hui, vous voyez les tensions entre les États-Unis et la Russie, entre l'Europe et la Russie, entre Israël et le Moyen-Orient, l'Iran, Irak, la Chine et les États-Unis. Vous pensez que c'est la politique seulement pour vous donner la farine? Non, frère! Ces tensions-là sont suscitées par les démons qui sont en train de menacer la terre pour la détruire. Le monde dort. Mais l'église est réveillée. Lakini kanisa nye kuamushwa. Par le dernier message. Na hii mujumbe ya mwisho. C'est vrai, frère. Kweli nduku. Si vous regardez. Kama unangalia. Tout est prêt. Yote biko tayari. Attendant le retour du Seigneur. Mukuchunga kurudia kwa Bwana. L'église est presque scellée. Kanisa inesha kuwekwa muhuri. Les élus se sanctifient. Bateule beko na jitakasa. Je vous dis ceci au nom du Seigneur. Na miambia hivi mujina ya Bwana. Quand je vous parle ici. Hivi niko na misunguzia hapa. Ne croyez pas que tout le monde sont comme toi. Ushawazie kusema bantu wote beko sana wewe. Si toi tu ne pries pas. Kama wewe uombe. Je t'informe qu'il y a des gens qui prient. Niko na kupenda kujulisha kusema si bantu wana omba. Kama wewe ufunge chakula. Mais il y a des gens qui jeûnent. Huko bantu beko nafunga chakula. Si toi tu ne te repens pas. Kama wewe utubu. Si tu te sanctifies pas. Takase. Il y a des gens bantu, qui se sanctifient. Quand toi tu dors avec le péché, avec na lala avec nanzambi, la colère, na avec la haine dans ton cœur, il y a des hommes et des femmes na qui ne supportent pas bala bavumile kamwe, nzambi maro yabo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. L'église est presque scellée. Kanisa inesha kuwekwa muhuri. Et les élus se sanctifient. Na bateole beko na jitakasa. Et si vous observez sur la terre. Na kama unaangalia pa ulimwengu. Les méchants. Batu babaya. Deviennent plus méchants. Banakuwa babaya sana. Il faut être aveugle. Unapasha kuwa tu kipofu. Pour espérer les jours meilleurs. Juu upate kutumainia mashiku mizuri. Dans les années passées ici chez nous au Congo, on apprenait comment on violait les femmes à l'Est. Et tout le monde disait, c'est à l'Est, on viole les femmes, mais à l'Est, on viole les femmes. Mais aujourd'hui, c'est ici à Lubumbashi, ni hapa pa Lubumbashi. C'est ici à Kolwezi, c'est ici à Likasi. Ni hapa Kolwezi kulikasi. Les méchants batu babaya deviennent plus méchants. Banakuwa babaya sana. Même dans les sociétés, les dirigeants, leur égoïsme les pousse à une méchanceté à outrance. Il veut avoir lui seul beaucoup d'argent, mais les autres non. Et je vous dis encore, pour aller même plus loin, même la présence des Chinois dans notre pays est un signe qui prouve que Jésus-Christ est à la porte. Yesu Kristo yupo mlango. Il faut travailler les gens. Anatumikisha bantu kama batumwa. Pour leur donner un salaire de misère. Joko kaburia mshahara moya ya mateso. Même au temps de Mobutu, les gens ne travaillent pas comme les Chinois, comme les Chinois font travailler les gens. Mais regardez dans toutes les sociétés, ils apprécient la manière des Chinois de travailler. Même les sociétés qui travaillaient bien, comme les sociétés australiennes, les sociétés américaines, françaises, européennes, commencent à imiter les Chinois. Banaza fatirisha paka bashinois. Il n'y a pas de mauvais investisseurs comme les Chinois. Hakuna bantu babaya sawa bashinois. Ils payent mal. Leo naripa batu mubaya. Leo naripa mubaya. Ils donnent beaucoup d'argent aux autorités, aux individus. Leo nakabila paka bakubwa makuta mingi na bale bantu. Avec armes. Banashimama na sila. La population afin qu'ils se révoltent pas. Kutaifa juu taifa shitomboke. Et si se révolte contre les Chinois, vous verrez les militaires circuler partout ici. Na kama natombokea Chinois utaona baskari banazunguluka huko kote. C'est un signe. Ni alama. Vous voyez que c'est de la blague. Mwa mnaona sasa ni michezo. Le même esprit. Romo ya moya. Qui avait animé Pharaon? Il est irimpanda ka Pharaon. À la sortie des enfants d'Israël. Mugutoka batoto ba Israël. Lorsqu'il avait vu, il était pas resté proche. Kusema kurutoka kama kurutoka karibu. On ne vous donnera plus de la paille. Asa tu mekabila tena mayani. Vous irez chercher de la paille. Moi benyamu tenda kutafuta nyashi. Vous irez faire le nombre de mêmes briques. Mutafanya paka nombre moya moya mabriki. Vous irez faire vous donner la paille. Ile mudanza kufanya zamani pale tulikuwa mpatia mayani. Quelqu'un se réveille à 5h. Muta la lamata na 5h ou 4h. Il entre, il prend son bus. Avec à 6h30 ou 7h. Il travaille quand il entre chez les Chinois. Wakati anamjia wa Chinois. Il ne sait pas quand il sortira. Ashijue wakati ile atatoka amo. Vous pensez que c'est Dieu? Moi mon azafe ni Mungu ule. Il n'y a pas de repos. Hakuna kupumzika. Dimanche on travaille. Juma mnatumika. Sous la pluie, on travaille. Mungula, mungu na tumika. Regardez le mauvais esprit qui est sur les Chinois. Angadaro mubaya le. Ils ne reconnaissent même pas. Aba yata. La maladie d'un travailleur. Magonjwa ya mungu na tumika. Tu dois aller travailler. Uko mugonjwa ni la kutumika. Kama na lofwa. On te paye pas. Aba sakuripa bana ukata makuti. Roka ni mubaya. C'est Satan. Ni shetani. L'égoïsme. La méchanceté, la cupidité, est un signe qui prouve que Jésus-Christ est à la porte. Regardez les violences sexuelles, les violences sexuelles, les jeunes gens violent les vieillards, violent les jeunes filles, même les gens les plus proches. Ataba karibu. Viole les membres de leur famille. Beko na baka ba mujama yapo. Ce sont des signes du temps de la fin. Ni maalama ya wakati ya mwisho. La méchanceté est grande. Ro mubaya. C'est un signe qui prouve que Jésus est à la porte. Ni alama yako naisha kusema Yesu upa mulango. Dès qu'il arriva au temps de Loé. Ile ilifika mwakati ya Noa. Arriverera de la même manière. Ikafika paka vile. Avant le retour du Seigneur. Mbele ya kurudia kwa Bwana. La méchanceté. Bubaya. Ce qui est arrivé au temps de l'autre. Il a vérifié à moi quand il y a l'autre. Arrive de la même manière. Aujourd'hui. L'homosexualité. C'est vrai frère. La méchanceté. Bubaya. La cupidité. Kupenda kwa l'homosexualité. Marche ensemble. Pour nous. Qui attendions le retour du Seigneur. Et qui ne trompe pas. Ni alama qui nous dit que Christ est à la porte. Christ est au pamulango. Aujourd'hui encore. Léo Tena. Toutes les églises chrétiennes. Ma kanisa yote ya ki Christ. Deviennent de plus en plus formalistes. Inakuya kabisa kabisa tu ya miza. Allez, regarde. Regardez chez nous qui croyons le message. Regardez comment les gens aujourd'hui se comportent vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de leur présence dans les cultes. Observez. Chez les dénominationnels, il n'y a plus rien. Il n'y a que des mensonges. Dans les dénominations, c'est Satan à l'œuvre. Il n'y a plus même l'odeur de l'Esprit de Dieu. Hakuna ta harufu ya roho ya Mungu. Les églises deviennent de plus en plus formalistes. Pour nous, ce sont des signes. Kwetu sheni alama. Mais il faut être un élu pour voir ces signes. Lakini unapaswa kuwa mteule. Cela n'a pas été donné à tout le monde. Juu ya kuona hii haikupewa kwa bantu bote. Vous voyez? Unaona? Vous voyez, frère? Unaona nduku? C'est ainsi que vous avez vu. Ndio kwa maana mliona. Lorsque Israël. Wakati Israël. Se trouva à la fin de la captivité à Babylone. Alipatikana kumwisho wa butumwa. Selon la prophétie de Jérémie. Kufuatana unabii wa Yeremia. Dieu envoie à son serviteur Daniel. Mungu akamtumia l'ange Gabriel. Malaika Gabriel. Pour instruire. Et lui révéler les plans. Na kumfunulia mapwi. Sur le salut d'Israël. Juu ya wokovu ya Israël. Comme Dieu avait envoyé l'ange à Gabriel, Dieu aussi, comme Dieu avait envoyé l'ange Gabriel à Daniel, vile Mungu alituma malaika Gabriel à Daniel, kumwisho de la captivité, ya butumwa bwake, Dieu aussi, Mungu tena, nous a envoyé un ange, alitutumia na shema malaika, kumwisho de la Odyssée, ya kizazi kia Laodikia, pour nous annoncer ce qui va se passer dans le monde, vile vitafanika mudunia. Que celui qui a des oreilles entende ashikie ce que l'Esprit dit ile roho inasema à l'église kukanisa. Que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. C'est une parenthèse. Ile ni mukato. Très importante. Ya mafaa sana. Je ne pouvais pas aller plus de très loin. Sikupenda kwenda mbali. Sans faire cette parenthèse. Bila mimi kufungula hii mukato. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Uko wapi na Bwana? Qu'est-ce que tu fais? Nini uko nafanya? Avec les instructions na hii mafundisho que tu as reçu ambao ulipokea de ce dernier message du temps de la fin ya hii mujumbe wakati ya mwisho qui est conforme à la Bible yenye kuambatana na Biblia que Dieu a donné à son serviteur ile Mungu alitumia na mtumishi wake pour préparer son épouse juu ya kutayarisha bibi wake harusi. Êtes-vous du nombre de ceux qui se préparent? Eti yuko kati ya bale benye kujitayarisha ou Dieu parmi les formalistes? Ah, uko kati ya benye kufanya michezo. Ton cœur est-il enflammé pour le départ? Yenye kuwaka juu ya kwenda? Ou ao, tu dors encore dans l'église? Ukingariki na laria mkanisa? Prions. Tuombe.